Le 12 juillet, selon la MBC sud-coréenne, les bellicistes américains, japonais et sud-coréens qui effectuent les exercices militaires Limpeg au parage de Hawaï ont livré les exercices de détection et d'interception tout en parlant de la soi-disant menace de la fusée balistique de sous-marins du Nord. D'autre part, d'après le quotidien du peuple sud-coréen, le sous-marin nucléaire stratégique Ohio des Américains est entré le 13 courant dans le port de Busan. Les États-Unis ont disposé d'avance aux alentours de la Corée du Sud leurs armements stratégiques de toutes sortes, comme les flottilles d'attaque de porte-avions nucléaires Stennis et Ronald Reagan, le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi et les bombardiers stratégiques B-52H.